France Inter. Et dans ce studio aujourd'hui, il y a Frédéric Sigrist. On sait qu'est-ce que c'est. Qui dresse les bras. Vous avez reconnu le cultissime thème de Superman composé par John Williams pour le film de Richard Donner en 1978. Le Superman de Richard Donner qui a été écrit par Mario Puzo, le scénariste du Parrain. Superman a 85 ans cette année. Oula, il peut prendre de la drogue. Oui, soit. Alors, oui, c'est bon. Soit le même âge que Jean-Pierre Elkabbach. Oui, et comme quoi, lécher le cul des puissants, non seulement ça donne un drôle de goût aux aliments, mais en plus, ça fait vieillir. Superman a 85 ans, mais il est toujours aussi fringant. Elisabeth Borne aurait dit, en off, si Superman est gaulé comme ça à 85 ans, franchement, les Français, ils peuvent bien bosser jusqu'à 65. Superman, un personnage qui est né en 1938, à peu près en même temps que les idées de Michel Houellebecq, il a été créé par deux auteurs juifs de parents immigrés, le scénariste Jerry Siegel et le dessinateur Joe Shuster, qui à l'époque étaient très loin d'imaginer la longévité de leur création, vu qu'ils ont vendu les droits de leur personnage pour une bouchée de pain. Bon alors, une bouchée de pain aujourd'hui, avec le prix de la farine en France, ça fait une belle somme, mais à l'époque, c'était que dalle. Pourtant, 85 années plus tard, il n'y a pas un super-héros qui soit plus identifiable sur la planète que Superman. La preuve, Charline, qui a la culture pop de Natacha Campouche avant sa libération, sait qui c'est. Alors, je sais qu'en France, Superman est moins apprécié. Moins que Batman ou Spider-Man, par exemple. Parce que ici, on choisit ses super-héros comme on choisit ses pneus. Faut pas qu'ils soient trop lisses. C'est parce qu'en France, on a la culture du défaut. En BD, Astérix et Obélix, Gaston Lagaffe au cinéma, Louis de Funès, Pierre Richard ou SS-117, nous on aime bien les râleurs, les gaffeurs ou les escrocs. On a un peu de mal avec les boy scouts donneurs de leçons ou les humoristes de France Inter, ce qui est un pléonasme. Superman, il est trop gentil pour la culture française. Et c'est pour ça qu'il y a une partie des Français qui va trouver normal d'envoyer Cédric Héroux devant les tribunaux quand il aide des migrants, mais qui va vouloir qu'on libère Balkany parce qu'un matin il a fait un cacamou. En France, on s'identifie plus à Batman, un millionnaire qui préfère claquer des millions en gadgets et se jeter d'un toit habillé en chauve-souris, plutôt qu'aller suivre une thérapie. Hein, Batman, c'est vraiment un mec. Mais beaucoup ignorent que dans les premiers numéros d'Action Comics, Superman, c'était un gros anard de gauche. Superman, c'était Philippe Poutou avec des pecs. Il était pas woke, il était super woke. Dans les premiers numéros de Superman, ses ennemis, c'était des capitalistes corrompus, des racistes, des maris violents ou des sexistes. Dans une de ses plus anciennes histoires, lorsqu'il arrête une bande de voleurs, il s'aperçoit que ces derniers vivent dans un ghetto où rien n'est aux normes et que c'est le besoin de survivre qui les a conduits à la criminalité. Ni un ni deux. Superman devient hors la loi, il rase le ghetto et exige que la mairie reloge tout le monde dans des logements décents. Le Superman des années 40, en France, mais direct, il réquisitionne les logements vacants pour loger les 200 000 personnes qui dorment dehors chaque nuit à la rue. Il va pas chercher à comprendre. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, les proprios? C'est Superman! S'il a envie de dormir dans ton lit, tu dis bienvenue, boucle d'or. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas légal ce que vous prenez, monsieur. Ce à quoi je vous répondrai, oui, mais Superman, il n'existe pas, donc arrêtez de m'interrompre dans ma tête. Tout ça pour dire que Superman n'a jamais été aussi lisse que certains le prétendent. Et voir que 85 ans plus tard, le studio Warner qui gère le personnage galère à savoir quoi faire de lui en se demandant s'il est encore pertinent. Superman, pas pertinent? Superman, c'est un migrant. Rescapé d'une planète Krypton qui a explosé parce que les dirigeants n'ont pas écouté la communauté scientifique, représentée par Jor-El, le père de Superman, quand il leur annonçait que la planète était au bout de ses ressources. Dans les vœux présidentiels sur Krypton, tu devais les entendre. Mais qui aurait pu prévoir l'explosion de Krypton? Jor-El, c'est Greta Thunberg sans les couettes. Quant au pouvoir de Superman, certains disent qu'il en a trop. Il vole, il est fort, il résiste aux balles. Et pourtant, et c'est bien là son principal intérêt, il n'en abuse pas. Ce que Superman nous montre à nous lecteurs, c'est qu'on peut être né hyper privilégié et pourtant choisir de ne pas aller aussi loin que son pouvoir le permet. Superman pourrait être Superman tout le temps, mais il a choisi d'être Clark Kent, un journaliste, fils d'agriculteur. Si ça, c'est pas une leçon de décroissance. Oh, Frédéric Sigrist, merci beaucoup Frédéric, et vous êtes notre Superman à nous parce que vous intervenez à 6h55 le vendredi matin dans le 5-7 de Mathilde Munoz, et vous pouvez rester toute la journée jusqu'à cette heure-ci, ouais, avec une énergie de dingue. Ah ouais, mais là ça pique. Bon week-end.